C'est la chronique santé de Tata Lolo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la radio des bons cons, ici Laura Violi, pour une petite chronique santé. Aujourd'hui, voilà, je vais vous conter une petite recette assez fraîche. Effectivement, il y a beaucoup de soleil ces jours-ci, donc si vous souhaitez vous rafraîchir, à vos stylos. Panna cotta au lait de coco et thé matcha. Alors, recette très rapide, hein. On est sur 5 à 10 minutes de préparation, mais pour 2 heures de repos. Voilà, donc j'espère que vous avez un petit peu de place dans votre frigo. Pour cela, il vous faut donc pour 4 personnes du lait de coco, on part sur 40 centilitres, du thé matcha, une cuillère à soupe, du sirop d'agave, 4 cuillères à soupe et un sachet agar-agar qui fait 2 grammes. Voilà, étape numéro 1. Dans une casserole, faites chauffer le lait de coco et le sirop d'agave. Au premier frémissement, ajoutez le thé et l'agar-agar en remuant bien, puis pour ne pas faire de grumeaux. Étape numéro 2, portez à ébullition 2 minutes, puis versez dans des ramequins ou des verrines. Placez donc 2 heures au frais avant de déguster. Je précise que cette recette est végane et sans lactose. Voilà, ben je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur la radio des bons cons. C'est la chronique santé de Tata Lolo.